Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et on plonge dans l'univers du 9e art de différentes façons. En deuxième moitié d'émission, on reste un peu dans notre logique entamée la semaine dernière. Et en début de saison, il y a eu pas mal de bonnes premières BD. Enfin, on a un bel automne BD de façon générale. Et notamment en septembre, on avait jasé de la bande dessinée Contact, qui était une première BD de Marie Leclerc, excellente. La semaine dernière, on parlait de Jours d'attente de Simon Leclerc et Thomas Brousseau Desaunier, qui est aussi une première BD excellente. Et on avait envie de poursuivre un peu sur cette lancée et d'attirer votre attention sur le projet Shiatsung de Brigitte Archambault, une bande dessinée qui est proposée du côté de Mécanique Générale et aussi une excellente bande dessinée. Alors, on va explorer un peu cet univers qu'elle nous propose, dans lequel elle nous invite, donc une dame qui habite dans un bungalow, mais un bungalow avec une cour, avec une piscine, mais entourée d'un mur de béton. Elle est là depuis la tendre enfance, élevée par une télévision dans un avenir dans on ne sait trop combien d'années, et un regard, une réflexion sur l'humanité, sur l'isolement, sur la relation avec la technologie. C'est très riche comme album. Alors, on avait envie d'avoir l'autrice avec nous pour en jaser, mais ça se fera donc en deuxième moitié d'émission. Et en première moitié d'émission, ben on avait envie... Et j'avais envie, en fait, parce que j'ai plusieurs collaborateurs qui, de façon sporadique, nous parlent de super-héros. Et je suis toujours un peu largué quand on tombe, justement, dans les grandes séries, dans les grands arcs narratifs, dans les univers des super-héros de Marvel, de DC et d'ailleurs. Et j'en jasais, justement, avec un de nos libraires en résidence, Marco Duchesne, de chez Pantoute, qui me disait, ben, on pourrait peut-être faire un guide de lecture, dire aux gens, ben, voici par où commencer, et se donner un peu des trucs, des outils pour ceux et celles qui ont envie de plonger dans la sphère des super-héros, mais qui savent pas nécessairement comment le faire ou par où commencer. Et en même temps, ben en novembre, à l'approche des fêtes, il me semble que c'est un timing qui peut être aussi intéressant pour amener ce type de ressources à vos oreilles. Et Marco Duchesne, on commence immédiatement avec ça. Ça va bien? Oui, merci. Bonsoir, Raymond. Bonsoir. Ben oui, écoute, étant un fan de comics depuis... ma tendre enfance, et dès mon arrivée à Québec, je me suis abonné à mes séries préférées en arrivant au premier, en fait, chez Première Issue, qui est devenu mon comic bookshop, ma librairie de comics, là où je me suis abonné et sans interruption à quelques séries depuis 30 ans. Et avec l'avènement du cinéma, de cette Marvel, en fait, on va se parler de guide de lecture, comment apprécier l'univers des comics et comment choisir sa porte d'entrée par rapport au lecteur qu'on peut être. Exact, surtout dans un contexte où j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent de manière plus accentuée l'univers des super-héros par le succès de l'univers cinématographique et télévisé. Et il faut se rappeler qu'il y a des très bonnes bandes dessinées qui viennent soutenir, justement, et qui ont unifié cet univers-là. C'est un univers qui date des années 30. Dans le cas de Marvel, là, on va commencer par Marvel ce soir, une première partie sur Marvel, parce qu'on va tout de suite accepter le fait qu'on va pas boucler ça en une demi-heure. On va y aller tranquillement, je vais donner des références on va y aller à un rythme un peu lent pour que tout le monde... D'ailleurs, Raymond, tu vas faire le public cible, c'est-à-dire que dès que tu as une question, tu peux me la poser. Si je peux pas y répondre, je prendrai la semaine et je prendrai le temps qu'il faut pour revenir la prochaine fois avec la réponse. Et comme ça, on va se donner les outils pour justement, un, apprécier... cet univers-là. Et surtout, on est en pause côté cinéma. L'univers prend une pause un peu. La phase 4 va y avoir peut-être quatre films en 2020, ce qui fait que ça va nous donner le temps de faire du rattrapage. On a quelques mois. Premier. Donc, on commence par Marvel. Comment entrer dans cet univers-là? Par où? Et parce que c'est un des plus connus. Parce que les héros, les super-héros de Marvel... sont beaucoup plus connus que ceux de DC. DC, il y en a trois peut-être. Oui, nonobstant des têtes d'affiche, là. Voilà, qui sont très connus, mais le reste un peu moins. Et les aventures ont moins fait de bruit que celles de Marvel. Donc, Marvel date des... l'étiquette Marvel date des années 60. Fin 50, en 59-60, Timely Press s'est fait racheter Et Timely, qui était la maison d'édition qui éditait du comic, de genre des années 30 jusqu'à 50, éditait du comic de genre, de la romance, du western, des comics de guerre, des comics de western, d'espionnage, policière. Donc, éditait de ce genre de comics-là, comme la plupart. DC, Detective Comics, eux publiaient vraiment, ont commencé à publier du super-héros, qui était vraiment connu, là, avec Batman, Superman, Wonder Woman, la Justice League. Et dans les années 60, Timely se fait racheter, on prend l'étiquette Marvel, et on met à la tête de Marvel ce jeune blanc-bec qui s'appelle Stan Lee, et on lui dit, écoute, on aimerait ça, nous, avoir un groupe de super-héros comme la Justice League. Alors, Stan Lee se met à sa planche à aider, et avec son associé, il prend le dessinateur Jack Kirby, et là, ils vont créer un groupe de super-héros qui va s'appeler les Fantastic Four. En 61, le premier numéro des Fantastic Four est mis sur le marché, et c'est un méga succès. Les Fantastic Four, c'est une famille. Ils sont sans masque. Ils sont connus du public. Et ils sont un groupe, mais familiaux. Déjà là, on innove. Et donc, c'était pas habituel, en fait. Les Marvel, DC voilà. Nous avait habitués aux super-héros masqués. Le reste, 900 oui. Superman, mais qui était déguisé aussi. Voilà, ça, c'était la première chose. Donc, en 1960... Donc, Marvel date des années 60. Pour y aller tranquillement, il y a deux sortes de lecteurs. Si on veut, là, pour aider à vraiment cibler quel genre, dans quoi on se lance et comment on se lance, il y a deux sortes de lecteurs. Il y a le lecteur névrosé qui va se dire « Moi, je veux ça du début. » Donc, des origines. Et il y a le lecteur qui dit « Moi, je m'en fous, je prends le train en marche et je veux rentrer par une porte avec quelque chose qui va me... » Plus récente, voilà. Puis dans plus lequel récent. On peut plonger, mais dans voilà. Un univers qui est déjà construit. Voilà. Alors, on va s'attarder d'abord à celui des origines. Si on est un lecteur qui se dit « Moi, je veux lire ça dès le départ, je veux dès le début et m'en aller tranquillement vers le blanc. » Alors, de un, il faudra s'armer de patience parce qu'il y en a eu du comic depuis les années 60 parce que les comics paraissent une fois par mois. C'est un 28 pages, une fois par mois. Et ça veut dire que depuis ce temps-là, il s'en est passé des choses. Donc, il faut être patient. Deuxièmement, un lecteur qui décide d'y aller des origines, il faudra qu'il accepte une chose, c'est-à-dire que ça date des années 60. De un, le dessin n'est pas pareil. La façon de raconter n'est pas pareille. Et ce qu'on raconte dedans date des années 60, même si le comic est un reflet de la société, mais elle est un reflet de la société de l'époque. Donc, on ne sera pas surpris que les choses soient un peu, paraissent un peu vieillottes. Ou des fois dans les thématiques. Décalées. Voilà. Même si il est intéressant de faire ce voyage-là à l'origine pour comprendre bien des choses de ce qu'on lit et de ce qu'on vit et aussi de voir jusqu'où on en est rendu. Donc, si on accepte ça, eh bien, on peut se lancer dans les séries. Moi, je suggère fortement de se trouver un héros qui nous convient. C'est-à-dire que, je prends moi comme exemple. Moi, j'ai adoré les Fantastic Four et je les suis depuis le début. Donc, j'ai lu du numéro 1 jusqu'à aujourd'hui et j'ai accumulé chez moi toute la série. Il manque quelques épisodes. Et si j'avais à recommencer à lire du début jusqu'à... Là, je me prends des vacances de 6 mois et un jour, je le ferai. Mais c'est... Et là, il faut lire depuis le début. Jusqu'aux années... Là, il faut s'attendre à ce que jusqu'aux années 90, début 2000, les histoires... Une des caractéristiques de l'univers Marvel en comics, c'est qu'il est en continu et que toutes les séries de super-héros, Spider-Man, Hulk, Fantastic Four, Iron Man, eh bien, toutes les héros vivent dans le même univers, c'est-à-dire que ça se répercute dans chacune des séries. S'il se passe quelque chose avec un héros et qu'il est en collaboration avec un autre héros dans une histoire, ça va se répercuter dans l'univers jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un univers unique. Donc, c'est en continu. Au début, les histoires étaient à chaque numéro, étaient presque uniques et se suivaient, comme je disais, en continuité. Il n'y avait pas vraiment de story arc. Et là, il va y avoir un vocabulaire que je vais essayer de traduire, mais il va y avoir des termes qui sont essentiels. Story arc, c'est-à-dire une, grâce à toi Raymond, merci, on va l'avoir en français, un arc narratif. Donc, les arcs narratifs étaient très peu courants jusqu'à dans les années 90. Des histoires pouvaient prendre trois numéros, pouvaient prendre six numéros, pouvaient prendre 12 numéros, c'est-à-dire un an. Il n'y avait pas de structure officielle. Ce qui fait que si on a envie de lire depuis le début et que, à mon avis, c'est pas tout les numéros qui sont essentiels. Un coup qu'on aura lu une vingtaine de numéros de notre héros préféré, je parle des Fantastic Four, une fois qu'on a mis en place les origines et tout, on peut se dire que au fur et à mesure que va avancer les séries, les origines vont souvent être rappelées. On n'a pas à s'inquiéter d'avoir loupé quelque chose. D'ailleurs, quand on lit les comics, même encore aujourd'hui, c'est encore un procédé qui est en cours. Si vous lisez une histoire et qu'à un moment donné, il y a un astérix, on se réfère à l'éditeur qui nous dit la situation qui semble à laquelle on fait référence, eh bien, elle vient de tel numéro, de tel héros. Donc, à chaque fois, il y a une référence qui nous donne dans le temps d'où vient cette référence. Et nécessairement, j'imagine que pour chaque héros, il y a des arcs narratifs, il y a des histoires, des ensembles qui sont plus marquants que d'autres, voilà. Et qui ont peut-être eu plus d'influence ou d'incidence que d'autres. Alors là, le conseil que je peux vous donner, si jamais vous avez un héros en particulier, supposons que ce que je veux, c'est lire Spider-Man. Parfait. Quand on aura maîtrisé les premiers numéros, quand on aura lu les premiers numéros, on s'est mis dans le bain de les origines. Mais bon, comme je disais, les origines, au début, tiennent à peu près 3 pages dans le premier numéro et tout. Mais c'est quelque chose qui va revenir, évidemment, parce que c'est marquant, évidemment. Mais le truc, c'est une fois qu'on aura choisi son numéro, il faut s'attacher à l'ennemi juré de ce sous-marin. Et c'est là qu'il fait avancer l'histoire. Et c'est pour ça, comme Spider-Man, si jamais on décide de se lancer dans Spider-Man, ben, il faudra lire, pour apprécier toute l'histoire, les 2 ou 3 super-vilains qui sont les ennemis jurés. Comme pour Spider-Man, évidemment, c'est le Green Goblin, le bouffon vert, ou le Docteur Octopus. Alors, chaque fois qu'il arrive, lui, il fait avancer. Lui, il vit des aventures, il vit une histoire, il fait avancer l'histoire avec Spider-Man. Mais ses ennemis jurés, le truc, c'est qu'il fait avancer le personnage. Mm-hmm. C'est la différence des autres galeries du Monstre du Voilà, Mois, là, il va passer des ennemis tranquillement, mais les ennemis jurés font toujours avancer beaucoup plus le personnage. Ils approfondissent beaucoup plus les personnages. Fantastic Four, c'est évidemment le Dr. Doom, Victor Van Doom, qui est l'ennemi juré des Fantastic Four, mais aussi de Red Richard, qui est Monsieur Fantastique, fait avancer les personnages. Iron Man, c'est le Mandarin. Hulk, c'est le colonel Thunderbird. Bref, tout ça, si on s'attache à ça, et là, on peut avancer beaucoup plus vite dans les... si on décide de tout lire, là, on avance beaucoup plus vite jusqu'aux années 2000. Où là, dans les années 90, là, les story arcs, les arcs narratifs se sont structurés. Et là, les histoires sont devenues des histoires à 6 numéros. Donc, à tous les 6 numéros, ça formait une histoire. Donc, pour notre lecteur qui, lui, veut prendre le train en marche, Eh bien, lui, il n'a qu'à choisir un épisode de la vie de son héros. Et là, il peut lire les 6 numéros qui font telle histoire. Et là, il se met dans le bain pour pouvoir continuer. Et là, du côté anglophone, quand ils ont compris la chose, ils ont réuni ces 6 numéros-là d'une histoire en un volume qui s'appelle un trade paperback en anglais, mais qui est en fait un volume. Alors, ces 6 numéros-là sont maintenant en volume. Et là, maintenant, sur le marché, toutes les histoires depuis les années 2000 sont découpées en volume. Et là encore, j'imagine que, toujours la variable temps, il y a quand même beaucoup de matériel. Donc, il y a, j'imagine, un peu comme tu disais, le truc des vilains sur lesquels on peut s'accorder pour la période des 30 premières années. Est-ce que c'est encore un peu le cas quand on arrive des années 90? Tout à fait. Là, dans ce cas-ci, là, non seulement on peut prendre le train en marche sans s'abonner au mois, alors on peut prendre le train en marche en y allant avec les paperbacks, les fameux volumes. On va les appeler volumes. Les fameux volumes qui contiennent une histoire complète. C'est sûr qu'elles vont se développer au fur et à mesure, mais là, on peut y aller avec. Et là, elles portent des titres, ces aventures. Elles sont beaucoup plus faciles à cibler, à retrouver et à comprendre. Donc, dans les années 2000, ces volumes-là, ces story arcs, ces arcs narratifs aident beaucoup à se retrouver et à évoluer dans l'histoire de nos héros préférés. Et est-ce qu'il y a justement des périodes, des arcs, des aventures, des instances qui sont peut-être plus emblématiques ou à partir desquelles il y a un événement important, une évolution importante? Je dois vous venir. Donc, dans lesquelles on peut plonger parce que, veux pas, encore là, le choix est quand même, demeure large, même si on synthétise. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de notre lecteur qui, lui, des origines, évidemment, ne sera pas perdu. Il va juste prendre son temps pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais pour celui qui veut prendre le train en marche par le biais d'un héros, c'est possible via, effectivement, ces arcs narratifs-là en volume. Mais il y a une magnifique porte d'entrée qui s'appelle les Marvel Events, les événements Marvel. C'est-à-dire que à partir de fin 90, début 2000, soudainement, on a confié à des scénaristes des événements qui vont regrouper tous les héros de l'univers Marvel en un seul événement, qui va être une histoire tirée à part, qui va paraître, elle aussi, cet événement-là va paraître une fois par mois, mais qui va être en 12 volumes. Habituellement, c'est 12 fascicules. Un des premiers, alors là, sortez vos stylos, sortez vos papiers, on prend des notes. Un des premiers événements qui a été majeur et qui donne vraiment la porte d'entrée à jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle Avengers Disassembled, c'est-à-dire le désassemblement des Avengers. Un événement qui va bouleverser, là, l'univers des Avengers, mais qui les Avengers, c'est l'équipe qui regroupe le plus de super-héros, donc qui influence beaucoup tous les autres. Donc, il arrive un événement qui va s'appeler Avengers Disassembled et qui va bouleverser cet univers-là et dont les répercussions encore aujourd'hui se font sentir. Et donc, si j'arrive par Avengers Disassembled, est-ce qu'il faut quand même que je me contextualise un peu en disant les trucs qui amènent vers, ou je peux simplement partir d'un point comme celui-là? Voilà. Puis après ça, choisir une ligne, parce que chaque Avenger, j'imagine, par la suite, va avoir ses histoires à lui. Là, effectivement, ce que tu poses là, il y a deux sortes, encore une fois, de lecteurs. Évidemment. Il y a le lecteur qui va se laisser aller et on verra plus tard. Donc, effectivement, à lire Avengers Disassembled, c'est sûr et certain qu'il y a tout un passé derrière. D'ailleurs, il y a des morts. D'ailleurs, il y a des situations dramatiques et elles viennent du passé. Comprendre la chose, il y a deux sortes de lecteurs. Il y a celui qui veut absolument comprendre. Il devra faire ses recherches pour comprendre tout ça. Et il y a celui qui se dit « je vais avancer et on verra bien ». Car beaucoup de choses vont être expliquées plus tard. Comme il y a beaucoup de choses qui sont expliquées avant, alors il suffit d'aller voir. Aujourd'hui, en 2019. Tout est tellement possible. Si on veut embarquer dans un truc comme Avengers des Assemblées, les Vengeurs des Assemblées, si on veut lire un truc pareil et qu'on a, à la lecture, on a une question, Internet va vous répondre. Si jamais tel personnage, ah, mais pourquoi lui, il fait ça? Alors, on va voir et tout est expliqué sur Wikipédia. En fait, moi, quand j'ai, encore une fois, personnellement, quand je suis arrivé il y a une trentaine d'années et que j'ai commencé par celui-là. Et effectivement, j'avais des questions et, drôle, je me suis assis et j'ai posé la question à Internet et on m'a répondu. Ça veut dire qu'il y a d'autres névrosés et tarés qui se posaient la même question et qui ont, il y avait des réponses. Mais Wikipédia et il y a sur Marvel, le Wikipédia que j'ai trouvé est assez bien détaillé. Et il donne les références non seulement des héros et des vilains qui sont en cause dans l'aventure que vous êtes en train de lire, mais il y a aussi les références à quel numéro, à quelle époque, et tout ça a évolué. Donc, oui, on peut être, si on prend le train en marche, oui, on peut être débalancé par ce qu'on ne comprend pas, mais c'est du comique quand même, c'est pas une thèse de doctorat. Et si on se laisse aller un peu, tout ça va trouver ses réponses ou vous allez faire votre recherche et vous allez encore mieux apprécier la chose. Parce qu'après déboule tous ces événements-là qui sont... Et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de 1990, début 2000, le comique, l'évolution des comics a fait en sorte que les éditeurs, Marvel, DC, a vu son lectorat évoluer. C'est pas évoluer, mais grandir. Devenir adulte. Donc, pour ces histoires, Marvel et DC ont confié leurs histoires, leurs super-héros, à des auteurs, mais des scénaristes et qui s'adressent à des adultes, donc qui ont réussi à raconter des histoires vraiment riches, vraiment, tu sais, il y a eu une vague de scénaristes anglais, Grant Morrison, Michael Bendis, bref, tous ces scénaristes-là venus d'Angleterre, Alan Moore, qui sont débarqués, qui ont commencé à écrire pour du comic et donner justement ces histoires. On parle dans les Marvel Events, Civil War, qui était un des trucs majeurs. Si on ne veut pas commencer par Avengers des Assemblées, juste à commencer par Civil War, c'est vrai qu'on va se trouver au milieu d'un truc qui attend, là. Mais prenez le temps d'éplucher le truc, de voir, avant de voir la complexité de d'où vient tel héros, d'où vient tel... Ou juste qui est tel héros aussi, des fois, là. C'est, comment? Ou juste qui est tel héros, ouais, là. C'est... Mais... En prenant vite les références, il y a moyen de trucs, mais de voir la profondeur du scénario, tu le sais, tu l'as lu et t'avais pas les références parfois pour, mais t'as vu la complexité des idées véhiculées, des trucs. Elle se lit tout seul. C'est sûr qu'on peut se poser d'où vient le héros, pourquoi il fait ça, mais l'histoire, là, en tant que telle, elle se lit toute seule. Et on peut, après, pour en apprécier encore mieux, faire des recherches. Et là, c'est dû à ces scénaristes-là qu'on a été chercher. D'ailleurs, pour aider encore mieux le lecteur qui veut prendre le train en marche, il se dit, bon, il y a les événements que je peux lire, mais il y a des auteurs à suivre. Comme en BD européenne. Moi, ce que j'aime, c'est Rosensky. Moi, ce que j'aime, c'est Jean Van Damme. Eh bien, la même chose est possible avec Marvel et DC. Mais Marvel, c'est de suivre un auteur. Michael Bendis, celui qui a fait Civil War. Mark Millar, l'auteur de... Mais ça va être généralement plus le scénariste qu'on va suivre scénariste. Dans ces cas-là. Alors, les scénaristes, on peut s'attacher à un dessinateur, on peut aussi le suivre. Et là, on appelle ça une run. C'est-à-dire, la run de Mark Millar, c'est une suite que Mark Millar a fait les Fantastic Four. Alors, moi... J'aime Mark Millar, j'ai suivi toutes ses Fantastic Four. Michael Bendis a fait du... Grant Morrison a fait du X-Men. Alors moi, j'ai suivi toutes les X-Men de Mark Millar. Donc c'est un autre truc pour pouvoir embarquer dans un... dans une suite de super-héros. Et les grands les scénaristes port d'entrée, qu'on pourrait dire comme ça, justement, donc tu parlais de Mark Millar, tu parlais de Grant Morrison, est-ce qu'il y en a d'autres, justement, où on dit, ben peut-être, selon toi, c'est ceux-là avec lesquels on devrait, si on décide ce type d'approche-là? Supposons que vous avez envie d'embarquer dans quelque chose de Marvel ces temps-ci, là, je pense que Jonathan Hickman est un des grands scénaristes de Marvel et un grand scénariste tout court. Je vous conseille fortement, quand il l'a fait, il a commencé à faire des Avengers et les New Avengers. Ça, c'est les. Il a commencé à faire ça, ce qui nous a amené. New Avengers, Avengers, c'est qui, avec toute cette suite-là, ces deux séries-là, il nous a amené à Infinity, un événement Marvel qu'il a fait. Et il nous a amené à Secret War. Mm-hmm. Donc, il fait la jonction entre deux événements. Ouais. Donc, c'est vraiment... Lui, c'est vraiment là, un truc magistral. Et c'est disponible en français. Tout ce dont je viens de vous parler est disponible en français. En anglais, on va l'avoir beaucoup plus tard dans l'année 2020. Mais Jonathan Hickman, ce fameux scénariste, a commencé à faire des X-Men. Et là, je vous préviens, ça va être la série à suivre en 2020. Donc, si vous avez à commencer à suivre un auteur, celui-là, je vous le conseille fortement. Donc, à date, on a trois options. Donc, soit on démarre par le début en essayant de suivre, justement, donc hors des origines, donc un vilain et les relations avec le héros de notre choix et ce vilain-là. Soit la deuxième option, donc on attend plutôt dans les années, donc les publications des années 90, on va chercher des arcs, des séries, des ensembles d'histoires. Et à la limite, enfin, on peut choisir de démarrer par un Marvel Event, tu parlais d'Avengers Disassembled ou de Civil War comme étant des assises intéressantes. Et ensuite, on peut choisir de suivre un héros qui vit les conséquences de l'événement qu'on vient de découvrir, ou sinon, avoir une approche plus d'auteur. Et donc, dans ce cas-ci, choisir un scénariste ou un dessinateur qui fait donc une run, une série, un ensemble. Et là-dedans, ben, on citait donc Mark Millar, Jonathan Hickman, Grant Morrison, Michael Bendis, ouais. Comme tête d'affiche. Là. Tout à fait. Voilà. Et là, déjà avec cette base-là, et n'hésitez pas, allez sur Internet. D'ailleurs, en anglais, si l'anglais ne vous fait pas peur, il y a Comic Book Herald, comme le journal oui. Herald. Comic Book Herald, où là, toutes les séries sont détaillées. En tout cas, celui qui a fait ce site-là n'a pas de vie. C'est un tarif fini. Alors, il a détaillé toutes les Marvel Events. Il a détaillé toutes les séries de super-héros comme Fantastic Four et tout. Je regardais, là, même moi, j'aurais pas fait mieux. Et là, avec ce site-là, déjà, vous avez l'heure juste, mais utilisez le Wikipédia sur Marvel. Il existe des volumes en bibliothèque sur l'univers Marvel, mais sur chacun des héros, je pense à une collection qui s'appelle Chacun des héros est détaillé présenté. En encyclopédie avec les événements marquants du héros et les vilains et les amis et les... bref, tout donc, ça est détaillé. Profiter des ressources qui sont disponibles, qui sont excessivement disponibles aujourd'hui. Aujourd'hui, être perdu dans les comics, ne pas vouloir s'y mettre parce qu'on a peur d'être perdu, je pense que c'est une défaite qui ne tient plus. Alors voilà pour le guide 1, le volume 1, on pourrait dire du guide. On pourrait se reparler d'autres éléments Marvel, peut-être de DC aussi en cours de route. DC qui est beaucoup plus complexe, là. Prenez les autres font des resets de temps à autre en plus. Là, c'est... Bref, on s'en reparle en cours de route. Et Marco, nous, on se revoit également dans 2 semaines pour le club de lecture. Moi, je suis prêt, toi. J'ai pas encore lu les livres. Ah là! Il me reste ça à faire. Alors, à très bientôt. Marco Duchesne, donc un de nos libraires en résidence. Vous le retrouvez également à la librairie Pantoute. Nous, on prend une courte pause, toujours ici à La Vie en BD. À venir, Brigitte Archambault. êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Petite transition à saveur 8-bit avec 8-bit Shifter et leur album Information Chase. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Également, donc, nos balados diffusion sont disponibles sur lavieenbd.wordpress.com. Alors, on plonge maintenant dans la deuxième moitié, dans la deuxième partie de l'émission. Et pour ouvrir le tout, eh bien, on va plonger également dans un album que j'ai eu le plaisir de lire il y a de ça quelques semaines. Ça s'appelle le projet Shiatsung. C'est disponible du côté des éditions Mécanique Générale. C'est un récit de Brigitte Archambault qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonsoir, Raymond. Alors, le projet Shiatsung, peut-être donnons le contexte d'entrée de jeu. Donc, on démarre entre quatre murs de béton, dans une cour, bungalow, piscine, jeune femme. Peu à peu, on découvre que les quatre murs de béton qui entourent la maison sont la limite de son univers dans lequel elle est depuis le plus jeune âge. Et elle a été accompagnée au fil de sa vie par une télévision, dans le fond, qui lui donne accès à toute l'information dont elle a besoin. Peut-être, en fait, je vais très sommairement, mais où en êtes-vous venu? Comment êtes-vous venu avec une telle proposition côté sujet thématique? C'est dans l'air du temps. On entend beaucoup parler de ce qui se passe actuellement dans la technologie. L'intelligence artificielle qui évolue. Je trouve que ça c'est épeurant. On dirait que je commence à être un peu paranoïaque avec tout ça. Google, tu sais, qui me connaît mieux que moi maintenant, j'exagère à peine. Même cette semaine, j'entendais encore que Google avait acheté des données médicales aux États-Unis à l'insu de la population. Fait, tout ça, ça... Je trouve que c'est dans l'air du temps, je deviens techno-anxieuse, même éco-anxieuse. Je pense que toute cette anxiété-là a transparé un peu dans mon livre. Fait que c'est sûr que c'est un sujet, comme tout de suite, ça m'est venu à l'idée de faire une BD sur ce sujet-là. Oui, puis en fait, c'est vrai qu'on y va, même dans la BD montre bien les deux côtés, en fait, le côté favorable où toute la connaissance est accessible, ouais. Tout divertissement est accessible, mais le côté négatif où aussi il y a une dynamique de contrôle, de surveillance, les dérives aussi qui peuvent être entraînées autour de tout ça. Donc, on joue un peu sur les deux tableaux d'une certaine façon aussi. Oh oui, tout à fait. Il y a plein de bons là-dedans, là. Ça nous apporte beaucoup, mais il y a le mauvais côté aussi. Puis c'est un questionnement, là, quelque chose. T'sais, est-ce que ça va aller trop loin à un moment donné? Je sais pas. Ouais. Et en même temps, avec le projet Shiatsung, on extrapole aussi sur l'idée d'une personne qui n'aurait été élevée qu'au contact de la technologie, donc sans contact humain, un univers sans tabou d'une certaine façon aussi. Donc, il faut essayer de construire, d'analyser, de voir comment quelqu'un aurait pu se retrouver dans ce... Comment quelqu'un aurait pu en arriver à l'âge adulte dans un contexte comme celui-là? C'est ça, exactement. Mais c'est pas pour rien que c'est une fille. Quand j'ai commencé en fait, j'ai pas vraiment scénarisé. J'avais les grandes lignes, j'avais une idée vague de où je m'en allais avec le projet. Parce que je voulais pas trop m'embarquer non plus, parce que je savais pas, tu sais, c'est ma première BD, donc je savais pas trop si ça allait donner quelque chose de bon. Donc, je me suis comme juste laissée aller. J'ai pris un personnage féminin, puis là, je me suis dit, bon. Si je vivais dans cet enclos-là, comment je me sentirais? Comment je pourrais me sentir en tant que fille qui grandit là, puis que Shiatsung, lui, il m'informe pas de tout, tu sais, c'est lui qui me contrôle, c'est lui qui décide de ce que je dois savoir, donc. Moi, je me mettais dans la peau du personnage au fil des planches, puis j'essayais de voir comment qu'elle pourrait apprendre à... Elle a plein de questionnements, là, puis elle se demande elle est qui, puis d'où elle vient. Donc, moi, au fil des planches, j'étais comme... Elle est pas en contact avec la vie, elle est juste en contact avec cette machine-là. Donc, je me suis dit... J'essaie de m'imaginer, je dis... Au fond, dans son petit enclos, il y a les animaux. Puis, c'est venu comme un peu naturellement. Elle est rentrée en contact. Elle a fini par comprendre un peu comment que les animaux se reproduisent. Elle a fini par comprendre peut-être d'où elle venait, comment la nature fonctionne. Donc, c'est un peu ça, là. Oui, puis en plaçant, dans le fond, la technologie comme élément qui peut donner une réponse, mais qui ne posera pas de questions. Donc, c'est de voir un peu le cas des animaux est assez parlant sur la sexualité aussi, justement, où on en vient à ça, parce que c'est un contexte où votre personnage en vient à se poser des questions, donc en vient à questionner la technologie qui lui donne les réponses sans phare, en fait, de manière un peu scientifique. Ouais. Et après ça, ben, dans le fond, si on reste sur l'apprentissage de la sexualité, ça donne une série de planches, d'ailleurs, assez réussies, disons-le comme ça, qui nous amène avec un effet qui est à la fois trouble. On dit, mon Dieu, c'est triste d'apprendre ça comme ça, mais en même temps, à l'apprendre. Donc, c'est un microcosme, dans le fond, de ce que le personnage vit sur à peu près littéralement tout ça avec quoi elle est en contact au fil du récit. Oui, c'est ça. Plus ça allait, plus je me rendais compte que je mettais comme plein de trucs en dualité. Là, tu sais, comme le civilisé qui l'homme civilisé qui devient de plus en plus contrôlé, soumis à un million de règles dans sa petite maison de banlieue, puis versus l'animal qui est comme sauvage et libre. Mais en même temps, dans ce livre-là, j'essaie de créer une espèce de balance entre les deux, une dualité, aussi par rapport à l'émotivité de la fille puis le phlegmatisme de l'écran. Donc, c'est sûr qu'elle, elle voudrait s'évader un peu comme les animaux, mais en même temps, les pulsions animales puis les animaux, c'est sauvage, c'est brutal, c'est violent aussi. Fait que j'ai voulu comme transmettre ça dans l'imagerie aussi, là. Oui, puis avec les images plus de rêves aussi, les moments plus oniriques ou cauchemardesques qui vous permettent aussi d'aller chercher d'autres types d'émotions, d'autres types d'ambiance ou accentuer aussi certains éléments qui troublent déjà le lecteur qui plonge avec vous dans cet univers-là. Ouais, c'est ça que ça m'amuse. Moi, j'aime ça. Moi, quand je lis d'autres BD, j'aime ça être troublé, j'aime ça les trucs drôles, mais troublants, bizarres. Donc, j'aimais ça créer un peu. J'aimais ça aussi me troubler moi-même en faisant ces planches-là, tu sais, ça me faisait rigoler, mais je sais que c'est troublant en même temps, là. Oui, bien, en fait, c'est qu'il y a un côté qui ressort beaucoup du projet chez Hatsune qui est, à mon sens, une ambiance. En fait, c'est une BD, le narratif est fort, mais l'ambiance est forte. Une adéquation entre ce que vous dites et de la façon dont vous le dessinez aussi avec la simplicité puis l'expressivité dans lequel vous le dessinez. Donc, où on en est venu un peu, comment s'est développé l'univers visuel de tout ça, l'enrobage que vous avez à faire à votre a priori de départ? Mais en fait, moi je viens du cinéma d'animation. J'ai fait aussi, j'avais été en art visuel, je pratique plus, je fais plus de peinture depuis longtemps, mais c'est quand même, tu sais, je développe quand même mon esthétique. Ça a toujours été un peu ça, là. C'est presque clinique. Mm-hmm. C'est propre, mais en même temps, c'est sale. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Oui, mais en fait, c'est tellement propre que ça accentue un peu le côté... ça accentue le côté ambiant, cet excès de propreté-là qui ne peut être que machinique, d'une certaine façon. Oui, c'est ça, oui. Ça rappelle toute l'idée de l'ordinateur, de la technologie et tout. C'est toute l'idée de la banlieue aussi, que tout est comme parfait. Ouais. Et est-ce que en cours de réalisation, on se dit, ben dans le fond, j'ai mis mon personnage seul entre quatre murs avec un écran, et maintenant, il faut quand même que j'aie des choses qui évoluent, qui se projettent sur X pages, et qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce que on s'est donné scénaristiquement quand même un grand défi pour développer cet univers-là, l'amener sur différents éléments dans le contexte où votre terrain de jeu, au départ, est quand même relativement limité? Ouais, j'avais peur un peu. Je me disais, il y a toujours son fauteuil avec l'écran, puis tu sais, j'avais peur, je disais, elle va toujours être dans le même environnement. Mais tu sais, puis je me donnais pas non plus, tu sais, quand j'ai commencé, je pensais vraiment pas finir avec un livre, là, puis je dis, je vais l'essayer, puis j'angoissais pas trop avec ça, puis je dis, je vais abandonner, ou je sais pas, c'est peut-être ça va être trop plate, puis je vais finir par arrêter, mais tu sais, après ça, tu sais, avec les animaux qui arrivaient, je me disais, ah, il y a une espèce de... Je peux m'évader dans d'autres mondes, là, le rêve, le fantasme. J'ai réussi à trouver des solutions pour, tu sais, pour que le scénario tienne puis que ça soit pas toujours dans la relation entre l'écran et la fille. Donc, ouais, tu sais, ça me fait peur, à un moment donné, j'ai dit, oh, tu sais, c'est... Mais je pense que j'ai trouvé des solutions, puis j'étais satisfaite à la fin. Là. Oui, parce que dans le fond, on relance, on ajoute des éléments, donc avec toujours l'élément latent, justement, le questionnement du pourquoi, au bout du compte, c'est pourquoi ça se passe, pourquoi cette situation-là, et ça, c'est tout est dans le dosage aussi, dans le fond, de nous donner assez d'éléments de réponse pour qu'on a envie d'avoir de nouveaux éléments, d'avoir des relances, d'avoir plus de contexte, mais laisser assez ouvert aussi pour pas se retrouver à faire 4 pages de narration pour expliquer schématiquement l'ensemble de ce qu'on a vécu au fil de la lecture. Ouais, c'est, donc, ouais, c'est toujours l'équilibre. Ouais, je sais pas quoi répondre à ça. Ouais, c'est à la limite un commentaire plus qu'une question, d'une certaine façon. Mais ça revient, dans le fond, à la notion d'équilibre. Donc, de quelle manière on réussit à bien équilibrer en ce qu'on donne au lecteur comme information et ce qu'on laisse aller aussi à l'interprétation, d'une certaine façon, pour laisser les gens recevoir l'univers, l'ambiance, le récit que vous nous proposez, puis l'interpréter chacun à sa façon dans notre même relation avec la technologie, avec la science-fiction, etc., etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais si on parle aussi de la fin, c'est un peu une fin ouverte. Ça laisse place à l'interprétation, mais oui, vous avez raison. Je pense... Ça l'amène au questionnement sur qu'est-ce que pourrait être notre futur, mais... Je trouve que mon personnage, dans le fond, elle est naïve, puis elle n'est pas déprimée, là, elle vit là-dedans, puis je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on vit présentement, où on sait que ça s'en vient, il y a des bons côtés, des mauvais côtés à la technologie qui évolue, mais tu sais, on trouve notre bonheur quand même, on dirait qu'on s'en fait pas, mais est-ce qu'on devrait s'en faire? Je sais pas, c'est peut-être la suite des choses. On peut pas rien faire contre ça, mais en même temps, je me dis, ah, il y a des grosses compagnies qui c'est un peu effrayant. Puis il y a aussi, tu sais, dans le livre aussi, je trouve, ben, c'est peut-être juste moi qui le vois aussi, là, mais tu sais, c'est drôle, c'est amusant, mais c'est un peu aussi pessimiste aussi. Je vois une relation aussi avec l'environnement où comme tout est abandonné, il y a des déchets à l'extérieur. Il y a plein de gens actuellement qui sont pleins de bonne volonté puis qui nous encourage à essayer d'être zéro déchet puis tout ça, mais tu sais, dans mon livre, on dirait que ça transparaît pas, là, elle boit dans des verres en carton, puis elle mange des T-bones, puis je parle d'un futur, mais je suis un peu pessimiste par rapport à ça, parce que je me dis que le monde, des fois, les médias, ils en parlent, mais on dirait que des fois, j'ai l'impression que les gens s'en foutent carrément de tout ce qui peut arriver dans le futur, mais en même temps, on va apprendre à vivre avec aussi, là, je sais pas. C'est un peu pessimiste, là. Mais ça revient un peu au paradoxe de départ, en fait, les mauvais, les côtés sombres, et peut-être aussi ce qui ajoute au malaise, c'est que pour nous, dans le fond, on connaît autre chose que ça, mais pour votre personnage, dans le fond, c'est son contexte depuis la naissance, donc... Ouais. Après ça nous amène à des moments, en fait, vous parliez de l'extérieur, mais le moment justement où elle finit par avoir accès au-delà des 4 murs de béton, c'est un moment fort justement où on prend conscience de l'étendue de ce qui se passe ou non du système de c'est ça, tu sais, comme quand je vais aux États-Unis, des fois je regarde les banlieues, là, comment tout le monde a son petit enclos, tout bien propre, là, avec leur petit gazon, puis tout le monde veut être pareil. Puis il y a aussi dans mon livre, il y a la tondeuse, le symbole ultime de la classe moyenne. Puis, ici, c'est moins évident, mais aux États-Unis, il n'y a plus d'espace extérieur, il n'y a pas de parc, pas de trottoir. Il y a comme quelque chose. L'espace collectif, j'ai l'impression qu'elle disparaît, puis on est comme rivé sur nos écrans, on consomme plus, il n'y a plus de parcs, on va moins dans les musées, on sort pas dans les théâtres. Tu sais, je me dis, j'imagine un peu un futur comme ça où comme l'espace collectif, il n'existera plus. On est comme centré sur nous-mêmes, puis on est individualiste, puis on regarde nos écrans, puis le reste n'existe plus. Mais en même temps, il faut aller au-delà. J'ai l'impression qu'il faut être en contact avec la nature beaucoup plus. On dirait qu'on perd cette notion-là, qu'on est quand même des bêtes, des animaux, puis qu'on a quand même, c'est inné en nous, on est quand même on est des animaux dans le fond, puis okay. Je me dis, ça on le perd tranquillement. On n'est pas obligé de se mettre volontairement dans une cage dans le fond. Moi, c'est ça, mais en tout cas. c'est des grandes questions. J'ai l'impression d'être déprimante, là. Et c'est des grandes questions, des questions importantes et nécessaires et qui sont soulevées, en fait, par la bande dessinée, le projet Shiatsung, je veux pas donner l'impression aux gens que la BD est déprimante non plus. Non, au contraire, elle est drôle, moi, en tout cas, ça me fait rire. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, puis elle est vraiment comique, là, selon moi. Peut-être qu'il y en a qui trouveraient pas ça, là, mais... Et à la fois drôle et malaisante, à la fois questionnante et naïve. En fait, je veux dire, c'est un jeu d'équilibriste que vous nous offrez, et que j'encourage les auditeurs à aller découvrir aussi, là. Il est disponible en librairie. C'est une recommandation personnelle que j'ai envie de donner aux gens qui nous écoutent, là. Qui amèneront peut-être et qu'on pourra écouter après ça les questionnements que vous amenez, à travers justement le fil de la lecture qu'on aura fait et de ce moment qu'on aura passé en compagnie de votre univers. Et de votre futur. Un vrai pessimiste, ça faut le dire quand même. Et Brigitte Archambault. Pessimiste, c'est drôle. Exact. Brigitte Archambault, merci beaucoup. Merci, Raymond. À une prochaine. Bye-bye. Alors, je rappelle donc Brigitte Archambault, autrice donc du projet Shiatsung. C'est disponible du côté des éditions Mécanique Générale et disponible depuis quelques semaines déjà, voire même quelques mois. Toujours à la vie en BD. On prend quelques temps. Tiens, ça fait quand même quelques semaines qu'on ne l'a pas fait, de se mettre à jour sur l'actualité. On gardera les commentaires de lecture pour la semaine prochaine, tiens, où on s'accordera un petit peu de temps pour se faire, notamment le prix de la critique à CBD de la BD québécoise 2019 qui a été décerné à La Petite Russie. Donc, la CBD, je le rappelle, c'est l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Ça a été donné à La Petite Russie de Francis Desharnais, donc ouvrage édité chez Pow Pow. Très bel ouvrage. Je rappelle évidemment, cet ouvrage nous amène par le biais de la colonisation de l'Abitibi, donc où on suit le parcours de Marcel, le grand-père de Francis Desharnais, qui s'y installe en 1947 à Guyenne afin de réaliser son rêve, devenir cultivateur. Il prend ainsi possession d'une terre, fonde une famille, s'implique politiquement, mais évidemment, on est dans le contexte d'un village qui n'est pas comme les autres, qui est une coopérative catholique, un modèle donc de village coopératif, et donc ce qui fait que d'un côté, on découvre le témoignage familial de la famille Desharnais et de l'autre, on découvre aussi ce modèle. Alors, vraiment une très, très belle bande dessinée qui a déjà obtenu plusieurs récompenses. Donc, c'est une nouvelle BD qui s'ajoute à cette pléthore de prix qu'a obtenu donc La Petite Russie. Et donc pour ce prix ACBD de la BD québécoise qui vise à mettre en valeur la créativité, la diversité, la richesse de la bande dessinée québécoise au-delà des frontières du Québec. Sinon, autres prix BD qui ont été annoncés récemment, le prix BD des collégiens édition 2019. Alors, on passe d'un prix qui est choisi par 97 journalistes spécialisés en bande dessinée à un prix qui est plutôt choisi par des étudiants et par des professeurs de cégep. Donc, ça a été mis sur pied par deux enseignants, ce prix BD, l'un en histoire de l'art, l'autre en littérature, du côté du Collège Hanzik. Et donc, l'idée, c'est de proposer des titres qui ensuite seront lus par des étudiants et étudiantes dans des clubs de lecture de plusieurs cégeps de la province pour en tirer un gagnant ou une gagnante. Alors, donc, les œuvres en lice pour ce troisième prix BD des collégiens, c'est le projet Chiatung de Brigitte Archambault, dont on vient de parler, Les petits garçons de Sophie Bédard, La petite Russie de Francis Desharnais, Jour d'attente de Simon Leclerc et Thomas Desaulniers-Brousseau et L'affaire de l'orme de Michel Viau et Grégoire Mabi. D'ailleurs, c'est une belle liste de lecture pour vous aussi qui nous écoutez. Si vous cherchez les bons titres, là, ils ont bien choisi. Autre prix québécois, c'est les listes préliminaires 2020 pour les catégories relatives à la bande dessinée qui ont été dévoilées pour les prix de l'Association des libraires du Québec, donc le prix des libraires. Eux, depuis donc récemment, donc il y a enfin des prix BD. Il ne reste plus qu'un avoir du côté du gouverneur général. Espérons que ça vienne un jour. Mais pour l'instant, donc, on en a au prix des libraires. Donc, pour les finalistes, de la longue liste, dans bande dessinée québécoise, c'est Boot Black, le premier tome de Michael, Contact de Mélanie Leclerc, Jour d'attente de Thomas Desaulniers-Brousseau et Simon Leclerc, La grosse LED de Marie-Noëlle Hébert, Les ananas de la colère de Caton et Les petits garçons de Sophie Bédard. Et pour la bande dessinée Art Québec, alors là, c'est Dans un rayon de soleil de Tilly Walden, Enferme-moi si tu peux d'Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Richberg, In Waves d'Age Dungo, Le dernier Atlas, tome 1 de Fabien Vellman, Gwen de Bonneval, Hervé Tancrel et Frédéric Blanchard, Mr. Miracle de Tom King et Mitch Gerards, et Speak d'Emily Carroll. Et peut-être une dernière parenthèse prix avant de se laisser. Donc, des félicitations également qu'on lance à un des auteurs qui était à l'ordre du jour de notre dernier club de lecture, donc Christian Kennel, qui a reçu le prix du calque œuvre de l'année pour la région Outaouais. Donc, ça a été décerné, ce prix, pour son œuvre Félix Leclerc, L'Alouette en liberté, dont on avait parlé d'ailleurs il y a de ça, la saison dernière, en fait, le printemps dernier à l'émission. Alors, pourquoi? Eh bien, les membres du jury du Conseil des arts et des lettres du Québec ont été touchés par, et je cite, cette œuvre mature à l'esthétique raffinée qui offre une intéressante incursion dans l'univers de Félix Leclerc. La rencontre des diverses disciplines est féconde, conférant à l'œuvre une forme unique. Il faut dire donc qu'il y avait également un travail symphonique qui a été développé autour donc de cette œuvre. Alors voilà pour ces divers éléments. Et voilà également pour cette édition de La vie en BD. On se retrouvera donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, entre autres, on aura le plaisir d'avoir avec nous Michel Rabegliati pour nous amener dans l'univers de son nouveau Paul à la maison. Alors, entre autres choses, évidemment, ce sera un plaisir de vous y retrouver. C'était Raymond Poirier, au micro. Passez une bonne soirée et une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.